100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français ce soir avec monsieur Zesso qui prend le contrôle de la nocturne. Comment on va? Ça va, on est là mon gros. En pleine forme? Tranquille, ouais. Ça y est, c'est sorti depuis aujourd'hui. C'est le jour de l'an, c'est la fête. Ouais, c'est le jour de l'an en effet. On est en année 2000 zo, ça y est. Année 2000 zo, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. C'est la nouvelle année, c'est 31 aujourd'hui. Ça y est. Salut nous, on va saluer aussi tous ceux qui sont autour de toi, hein. tu peux faire les présentations. C'est Bad Game l'équipe. Donc ça c'est ton label Bad Game, voilà. Aussi. Voilà, il y a Hex, il y a Did All, il y a toute l'équipe, Soul Squad, tout ça. What the fuck, c'est tout le monde. Zo. C'est la famille, 2000 zo. Cette nocturne justement, on passera évidemment des morceaux du nouvel album qui est dispo depuis aujourd'hui. Et puis c'est aussi l'occasion de revenir sur ta carrière, parce que mine de rien... T'as fêté quoi, le jour de l'an, mais t'as fêté combien de jours de l'an en fait? C'est la renaissance de mon rap. C'est vrai, on va dire ça. Ça fait un petit moment depuis l'époque dissident avec NSB, voilà, avec Corbias. On a traversé les époques. Et t'es toujours là, tu sors toujours des projets, toujours avec autant de plaisir. Voilà, bien sûr. Gros, bah oui, sinon on arrête direct. Quel le survivant du rap. S'il n'y a pas le minimum de petits plaisirs, on arrête direct. Ça, hein. Donc on va revenir, je pense, en musique sur aussi ta carrière, ce que t'as pu faire. Ouais, on est prêt, on attaque cette première session. DJ MS. On voit la sauce. Zesso au contrôle de la nocturne, 100% rap français pendant une heure. Ça, c'est des classiques, ça. Dissident. Les gens parlent d'amour, ça pour dire qu'il n'y en a pas. J'espère goûter un jour avant de boire la coupe du trépas. Trompé par la poisse, le bonheur dans ma vie, y en a peu. Mon humeur, une tumeur, la mort, pas de place pour l'humour. J'aime les médias essoufflés, c'est le prix du sang. Je vais acclamer le sang. Ceux qui nous gouvernent, le sang, ceux que t'as acclamé. Assassin présumé, n'est-ce les rien de personnel. Torturé par le regret, des fois je flippe qu'ils soient éternels. Leur monde, ils tournent carré, donc pas rond, tournent pas rond. T'as vu leur maison d'arrêt, trop de mecs derrière leur barreau. Je mets un terme à leur haine qu'ils apprennent. Quand 2001 c'est plus de haine qu'ils nous apprennent. Mon rap une thérapie par mon existence. Fais de la résistance comme papy mais pas pour la France. Garde mes distances avec pays ce qu'il concerne. Les temps changent mec, c'est toujours les mêmes concernes. Et c'est toujours les mêmes qui prospèrent. Alors on ose le pire, alors on perd nos pères. Alors où trop désespère, alors qui reste le pire. Quoi tout à dire à part que ça pue jusqu'à l'air pour être pire. De l'armée 200. Moi j'ai vu trop de vies cassées, froissées par le passé. Trop de personnes effacées, ou impossible à classer. Ça devient classique, on dit m'en sortir ce serait fantastique. Pourtant top de mon éthique, est rappé chaotique. La rue te blesse ici, y'a pas d'issue possible. Moi je joue avec la rime comme la bague avec sa cible. Tout simple, inaccessible, de sens tous ressemblent. À la recherche d'un bonheur illusoire, putain tremble. Je vois trouble, mais t'as beaucoup trop de chance, t'es double. Un jour on se tient les coudes et lentement approche de tout. Dans l'armée 200, je veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et ceux depuis que je suis adolescent. Y'a que dans le son que ça se ressent, on apprend se blessant. Personne n'est toujours de l'âme, mon pote. De l'armée 200, je veux que je te parle de ce qu'on ressent. Dissident et ceux depuis que je suis adolescent. Y'a que dans nos sons que ça se ressent, on apprend se blessant. Personne n'est innocent, 100% de l'armée 200. M'en voulez pas si j'ai vomi crassé sur le piste. Je dois faire du genre en temps de crise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'ai trimé pour être large riche avant l'âge. Et si je suis pas numéro 1, c'est qu'il y a le king avant l'âge. Retiens là le son. Je l'ai fait mouiller sans le doigt, 100% hardcore. Écrit des lyrics gore en traversant le bois. Ton inspiration, tu l'as mis où? Arrête le rap ou bien ta respiration. Je suis chacun sur le collant trop. Ton contrôle est comme l'atterrissage forcé nous prolonger. Tu me faisais ta tasse car elle est bonne et j'ai dû prolonger. Faire couler des larmes de sang, j'ai au mic lunatique. Dissident, c'est toujours danger. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Qu'on allait rester là, se laisser noyer. Telle est ma vie. Qu'elle soit ici à Soweto ou Tel Aviv. Destinée à lutter. AFB lunatique, mon unité active. Paris, ma naissance, mon crime. Mes premiers pas, ma jeunesse, mon adolescence. Les souvenirs se bousculent. L'insouciance, le peu de maturité. La délinquance, le temps d'attir. Une détonation et tout bascule. Revois les portes, revois les portes, revois les portes. C'est le 6 novembre. C'est criminogène comme un épisode Colombo. Je suis le faucon qui bouffe la colombe ou le pop caché dans l'endo. Elle est de cesse professionnelle face au bel mando. Elle de cesse violent comme un coup de slash dans tes abdos. Crescendo avant ça pour référence mes aînés. Déprimé impossible visage tatoué. Elle est de sur l'album. On veut se faire pendant que mes frères mangent du fer ma freine. Génération en sursis dans le vice plus rien nous freine. Mes frères les portent tous de style sur Pattaya. Faire tailler des pipes en fumant un peu d'Otaya. La chance chez moi y'en a eu chouïa. Trop peu pour réussir. On me demande pourquoi tant de paranoïa. C'est blanc ou partout y'a la parabole. La violence kiffe ça dans les films ou sur ma console. Ici y'a un cladiname qui nous console. Et pas criminogène, pas que les putains sont le symbole. Dissident, regardez ces questions dans le sang, dans le sang, dans le sang. Soit c'était violent, dans le sang. ici dedans. Dans le sang, ça sent. HLM ouais. Résident, trois gars décès qui sont dans le sang. Dans le sang, ça sent. Je crois que c'était vite. Dans le sang, ça sent. Style qui pète. Dans le sang. C'était Gel Media essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Hein? Tous les mecs enfermés qui nous écoutent à cette heure-ci. Tous, tous. Tigana, papa, c'est tout dès le sol. Ayou, Obix, Milet, frérot, des gros, Abdel. J'avais les crocs, le ventre creux, mais c'est des trous qu'on m'a demandé de creuser. Numéro des crocs, dispatching, fini, épuisé, pestiféré. Dans la merde, l'inspire, je vais l'abuser. Plus rien à espérer, on casse pipe à peine cicatrisé. On cherche la fiction dans la rue, puisqu'on la trouve plus à la maison. Fume des joints à la fenêtre, tourne la défense pour l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Qui patiente et qui font avec ce qu'ils ont. D'autres, ils savent avec qui s'impatiente et qui deviennent ce qu'ils ont. Argent, haram, faut de la IA pour tenir en prison. Bah, si j'ai l'IA, mieux vaut perdre la vue de la raison. Noir sera la saison, mais 23 hivers sont, pas le droit à l'erreur. Dans les faits divers que les miens sont, je faire la poussière, elle s'efface plus rapidement que le sang. Tous les substituts à rêve HLM ressortissant. Angoissé, c'est dans nos vies que ça se ressent. J'ai le sang glacé sur le boulevard. Ça a toujours représenté la rue. Quand ces jeunes me disent essoufflé, est-ce la vie qui est soufflé? Mec de tête pour un bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Jeune média essoufflé, jeune média essoufflé. Est-ce la vie qui est essoufflée? Mec de test, on va bouger, j'ai soufflé. Mec de test, on va sortir, on a tout. Mec de test, mec de test, mec de test. Comme toi, mec, d'une vie sans issue. Adolescence bâclée, ce malgré mon insu. Pas un sou, mais rempli de rage, vraiment j'en suis. Dans l'aperçu de ma vie en bref, et tout ça, je l'assume. On dire vrai, jamais personne m'a vraiment poussé. Ma tête éclaboussée, c'est un peu, je voulais pousser. Certaines personnes n'y croyaient pas. Ce que je parle peu, ouais. Quand je disais rentrer dans le pic, je le ferai. Trop d'ambition, je me mets à fond, pour ça je suis paré. Mon inspiration prendra le front qui prend les paris. Dire ce qu'il paraît, à l'écoute de mon flow, l'MC disparaît. Dans le pitch apparaît, mais qu'est-ce qu'on m'a dit, donc j'ai de plus paris. Si on pitchera ça, si ma prose, je me pose sans sourire, c'est car notre vie n'est pas rose. Notre vie en peine, la mort c'est close. Trop de peine, ça cause, dans chaque HLM, les problèmes nous sont posés. Ces jeunes médias essoufflés, est-ce la vie qui est tout fait? Avec de tête, mon vent bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, car c'est 9-4 Vétri, mon gros. Est-ce la vie qui est soufflé? Mec de test, mon vent bouger, j'ai soufflé. Dimizo, c'est l'année du 9-4. On a tout fait, tout fait, tout fait. Jeune média essoufflé, on va l'avouer. Sache que pour très peu de gens, moi je serai dévoué. Ma rime pour seul bouer, et je ferai tout pour pas échouer. Dieu soit loué, pour que je préserve les liens noués avec les miens, ouais. Dédicace pour tous ceux écroués. Et mon seul souhait, c'est au bout du compte pour voir enfin clouer. Mec à ceux qui disent, Exeso était un mec foué. 2000 zones, mon pote. Marqué par le fouet, par les coups. Du temps qui est passé, hein. La morale de cette vie. Devant le départ d'un de nos proches, ça a toujours représenté la rue, négro. Comme la leur, nos proches mettent à suer. Dans nos galères, y'a pas que le temps qu'on voudrait tuer. Dans nos malheurs, je crois que la haine s'est accentuée. En conséquence, je crois qu'on se fait tous la concurrence. À chaque séquence, on voit des mecs qui voudraient en l'occurrence être le plus fort. On voit comme il avance, avec assurance, mais c'est la pente est longue. Pour la montée, il faut que l'endurance. Je vais bien essouffler. Est-ce la vie qui est soufflée? Mec de test, mon vent bougie, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Car je suis jeune, média essoufflé. Est-ce la vie qui est étouffée? Mec de test, on va bouger, j'ai soufflé. Pour s'en sortir, on a tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Jeune, média essoufflé. 2000 euros, mon pote. Aïe. La Nocturne avec Zesso au contrôle de la Nocturne. Grosse session avec Dissident aussi. C'est hein. Jour de l'an, gros, c'est la fête. C'est 2000 mon pote. Faut péter tout ce que t'as fêté, les gros. Bah ouais, pète tout. C'est le jour à fêter ça. Zesso, t'as quel souvenir justement de tous ces morceaux, de toute cette époque justement, Dissident? Des bons souvenirs, des bonnes séances studio, du vrai rap, des bonnes rencontres et voilà. Un putain de délire. Un putain de délire, donc. Dissident, l'album, on a pu écouter quelques extraits aussi. Voilà, histoire de commencer par le début. Et tu nous disais donc Nesby, il est aussi présent sur l'album. Exact. Sur l'album, il est de retour sur l'album. Si, si, un petit featuring avec le frère dans le morceau Gosse du Monde. Et voilà, t'as vu. On écoutera d'ailleurs des morceaux extraits de cet album qu'on peut précommander maintenant. Enfin, pas précommander, on peut le télécharger maintenant par exemple. Voilà. On peut tout de suite aller chercher, tout de suite aller au moment où on parle là, direct. On peut aller cliquer, récupérer Zesso directement. T'as pas d'occasion d'éviter ça. C'est obligé ça. Si t'as pas ça, t'écoutes pas de rap français. 2000 zo. C'est un bon slogan les gars. Parfait. Ouais. Pas mal. On est reparti pour une nouvelle session. Ouais, yeah, vas-y. On envoie ça à DJ MS. C'est parti ou quoi? Dieu. Monsieur Zesso dans la maison. Bré, 2000 zo. Bré. Hein, c'est la rue. Les gros. C'est la vérité. Négo 2-0-Z-O. Oh. Oh. Oh. Oh. Que dalle. Mon flow. Eh, 2000 ans depuis le 6 novembre, va le chercher. Ils peuvent avoir mon flow, mais n'ont pas le vécu. Va le chercher, on t'a dit. Ils peuvent avoir mon flow, mais n'ont pas le vécu. Le vécu, le vécu. Ils n'ont pas le vécu, Vitry sur Z. J'te parle de mon zoo. Tu sais quoi, j'te parle, mon gros. Bra, bra. Demande pas qui c'est qui braille. Braille. Braille qui blisse, enfin c'est possible. C'est possible. On est Vitry, menette. Jaloux, j'te bête. Fuck le Tiki Black. C'est quoi Tiki Black? Bracket City Vibe. La carte sur un micro. La buffe fait pas le monde à mi-clos. Que du lourd même sur un biclos. Ton histoire est mise à huis clos. T'as pas honte espèce de mytho. On te prend d'un plus de cito. On t'a grillé à gratter des ristos nos michetos. Un jour j'm'évade le compte de Monte Cristo. Mais n'auront pas nos vécu. 2000 ans ma gueule. Ils peuvent avoir mon flow. Flow. Mais ils n'auront pas nos vécu. Que nos vécu. Nos vécu. Ils n'auront pas nos vécu. Vitry sur scène, j'te parle de mon zoo. Tu sais quoi j'te parle, mon gros. Mais gueule. Attendons 2000 ans. Zest de test ma gueule. C'est l'histoire ça. À fond dans le game. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. On part au bon cher, personne passe au bon soir. Que la concurrence ne bat les mouchoirs. M'en veux ta Nikisen, vas-y mouche-toi. Lève pour l'oseille, que tu bouges-toi. Mon flow prend de la place, vas-y pousse-toi. La rue la seule bitch qui t'épousera. Pousse le volume quand t'as plus de voix. Ce soir je t'allume mais pas que tous à la rue, négro sur la rue. J'prends mon vol à la rue. Toujours dans l'excès, attends toi qu'on abuse. Tu connais les règles, joue si ça t'amuse. Si ton flow est si bien, j'ai un pavillon de chasse. Reste pas dans mon sillage. J'ai fait vaciller l'herbe tout pigeon. Je suis là, t'es trop carré, t'as le flow de la CIA. J'ai reconnu du cave au micro. On devrait remettre des Oscars au mytho. J'en plus princesse, c'est l'avènement des mystos. Ouais, tes mystos sur crâne, j'en casse un micro. Que des calamités, j'ai pas besoin d'équipe. Laisse-moi prendre leur cash, ensuite on équipe. T'auras pas d'équitation, fuck les cucas, son père, garçon, t'équipe, façon. Je veux pas de validation. Laisse-moi la faire du ciel. Laisse-moi. Laisse-moi faire du car. Du car. Tu sais que je les asphyxie comme un insecte ici. On veut pas que t'insecte ici. Dans le rap t'es comme un geek. T'es à fond dans le game. Tu meurs du contre les fanatiques. Gros t'es à fond dans le game. La rue c'est pas un jeu. Mais t'es à fond dans le game. Les épreuves sont dangereuses. Gros t'es à fond dans le game. DJ Puis c'est pas les flics, trop t'es à fond dans le game. Fond dans le game. Il est trappé, trop t'es à fond dans le game. Fond dans le game. Bien problématique quand t'es à fond. À fond, à fond, à fond dans le game. Mais mon pote, puis aujourd'hui, la folie de chercher. Mais frère d'armes, pourquoi j'astue? Parce que je suis frère d'armes, je suis pas les masters. Les gars sont des cartes, je garde le captage. J'attaque pour remettre un album solo. J'attrape là comme personne, pas de game, c'est comme sans personne. Hyper fort, on perd fort, je m'applaque, j'attends personne. J'rappe plus, DJ Mule. J'rappe plus, tu connais l'astuce. Reconnu pour l'astuce. MC, pourquoi j'astue? Pas sur nos faces que tu te mastures. Je vois les masters, les capteurs, les capteurs. Ton captage attaque pour remettre les choses à plat. J'rappe là comme personne, pas de game, c'est comme sans personne. Crime, je m'appelle, j'attends personne. Yeah. 18 ans d'âge de la classe, des cas sociaux. Pas des chiens de la casse, moi. Délinquant, délinquant, j'ai su que l'argent ferait le bonheur de pas mal de gens. Ici bas, ici bas, de culture dans mon sang, en mon sens, peu d'amour pour la France, cultive le poids de nos souffrances. La police, la justice, les ministres administrent leur peine. Il faut que je déclare les sinistres. C'est de S, de test, ma caille. Dans les pères, ça sent les fracas. Les mères sont dans les tracas, les tracas. Le fils d'eau dit chaud pour un casse. A pris la ville comme un bourrin. Trop de soucis, combien se retrouvent sur le terrain. Passons, ça sent la baston. Les bastons, ouais, les gros. C'est ça qui paye le gastos. Rien de gratuit, même la cellule sera pas gratos. Gratter les papiers, les bifetons. Collectionner les drames, vu qu'on est loin de la fiction. Je voulais pas fourguer la cam, je veux pas penser au fourgon. S'il laisse un corps sur le macadam, il fait trop ça au bourbon. Donc, c'est 2000 aujourd'hui, au bourbon, mon pote. Les mômes sont dans les fourchons. fait péter le champagne. Ce soir, je suis frais comme les champions. Ce soir, pour toi, c'est cadeau, jingle bell. Grandir, mon avenir défilé comme dans une série noire. J'ai compilé, trop compilé, sans occulter ces enculés. Manipulé en France, allie nos existences. Le problème, tu crois plus récent, mais à ma connaissance, ils ont colonisé, autorisé, atomisé. Laissez les peuples économiquement terrorisés. Ghetto rusé, ghetto usé, pour faire du zé, pas peur d'user de la violence. N'oubliez pas le 14 novembre à la Bellevilloise. On sera là en mode de miso avec l'équipe. GFG. Jour après jour, je me rends compte que le seul pull c'était la thune. C'était la thune. Jour après jour. Souterrain, Teddy. Ça court après l'oseille. Hein? Teddy, Teddy Bear, mon ami. Ça leur a tourné la tête. T'as vu ou pas? Et moi, je me vois les couilles. Frère d'armes, mon pote. Tous les frères d'armes. Tous les frères d'armes. L'astuce. Du vrai de vrai. Pourquoi j'astue les zinc sur nos faces, que tu te mastures. Je joue pas les mastas, les caves sont des capteurs. Ton captage attaque pour mettre les choses à plat. Daddy Lorty, comme personne. Pas qu'MG comme son personne. Le miso mon pote, on perd fort. DJ MS ici. La nocturne avec Zesso au contrôle. Le label Bad Game, c'est ton label hein, que t'as monté aussi hein. Ouais, c'est mon petit truc. C'est mon petit vaisseau. Ton petit mon petit vaisseau, je me balade d'univers en univers. Où tu sors d'abord évidemment tes projets. Il y a aussi d'autres choses qui vont sortir sur la belle Bad Game. Ouais, il y a toujours plein de choses en préparation. Il y a tellement de projets. T'as les artistes du label, t'as vu. T'as Colonel 9chat qui est sur ses projets. T'as Hex ici présent qui a déjà sorti sa mixtape. Si. Et voilà, t'as à côté, t'as le frérot Did Hall. T'as vu MDMA. Et puis voilà, t'as vu, c'est l'équipe. Et voilà, ça prépare pas mal de donc, choses. Et moi, t'inquiète pas, il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Il y a un gros projet qui s'appelle Rewind aussi. T'as vu, c'est un projet avec les anciens. C'est bref, t'as vu, comme je t'ai dit, c'est un vaisseau. Je vais un vaisseau spatial. Ah, je vais partout, gros, dans tous les univers. Voilà, aujourd'hui. Dans toutes les planètes. C'est 2000 zoos aujourd'hui, c'est un autre délire encore. Ça, c'est le jour de l'an aujourd'hui. Voilà, t'as compris. Pour le juste un petit mot pour Rewind, c'est quoi, 2016 plutôt? Pour Rewind? Ouais, la sortie. Ouais, normalement, bien sûr, c'est 2016, c'est demain, donc. Ouais, donc c'est pour bientôt. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, t'inquiète pas. Bon, on repart sur quelle session maintenant, Zesso? On continue. On continue l'historique avec DJ MS. On envoie du 2000 ou pas? Ah, des extraits de 2000 maintenant? Dans la nocturne, Zesso au contrôle. Si. Vos messages avec l'hashtag Zesso sur Skyrock, vous balancez tout ça. Ok, envoyez tout ça. Dieu! Envoyez vos commentaires. Allez, achetez l'album. 2000 Zo. Allez-y! Ça te fait pas mal ici. Allez-y, nigga. Yeah. Docteur Beriz. Toujours dehors, négro. Toujours. Tu traînes la rue depuis tant de temps. La rue, négro. Est-ce que tu entends? Un jour, elle va te laisser en plan. Tu mises sur des amis, la famille soi-disant. Mais chaque soir, c'est tes parents qui prient pour que tu sois vivant avant. T'avais l'air sage comme une image. Un dessin, maintenant c'est l'air sale. T'as mis dehors ton destin. Combien de tes proches sont déçus en regardant ton déclin. Voyant comment tu déglingues. On parle de toi comme un défunt. Docteur Beriz, test de test. C'est tous les jours dehors mon pote. Et si la rue te perd, sois à tête celui qu'on déteste. Donc sois précis dans tes choix. Va cliquer clip sur YouTube. Tous les jours dehors. C'est cette voix qui t'y pense à rentrer chez toi. Je traîne des orteils. Moi et les frères, on n'a pas la même mère ni le même père. Prends les mêmes peines, on est pareil. La rue, négro. Toujours. La daronne qui pète un cap, qui me dit que c'est la rue qui me jette un sort. Je suis tous les jours dehors. Dehors, négro, la rue. Je suis tous les jours dehors. BAD, négro, les jours dehors. Je suis tous les jours dehors. Yeah. Ça, c'est une spéciale. Qui écoute, petite exclu si vous n'avez pas encore acheté l'album. C'est Gosse du Monde, N2S, Z2S, Disciple Dangereux. Yeah. On n'organise pas de soirée VIP. Mon histoire est dans les vapeurs. Range tes punchlines, on va te shooter comme un pointeur. DJ MS, 2000 zo. N2S, Z2S. Bleu. Du bar en gata. J'pense qu'à gratter ma part du gâteau. Personne à non grata. Boycotté gratos. Tu connais par cœur. Gros tu suis plus quand ça court. T'attends que la vie te taille un pantacour. On connaît par cœur. Ouais, y'a des morts par principe. Tu connais. Tu comme à l'époque. ou le son qui est la cite. Je serai pas un speech sur ce beat. Demilzo, allez chercher l'album. Le 6 novembre, c'est aujourd'hui la date. Un sur le beef gosse du monde. Le quartier de viol. Savoir que je pique de gamin d'où tu crois que le quartier de viol. Y'a que le diable qui rigole dans le quartier de viol. Chaque fois que les spits écartent les buzz, tu crois que le quartier de viol. On aurait peut-être plus rien à dire. Si pour nous y'avait plus d'épreuves, on aurait peut-être plus rien à vivre. Et si on avait fait que du rap, on aurait peut-être plus rien à dire. Si pour nous y'avait plus d'épreuves, on aurait peut-être plus rien à vivre. Gosse du monde. Le quartier de viol. Chaque fois que je pique t'écarte les buzz. Et y'a que le diable qui rigole. Chaque fois que les spits t'écartent les buzz, tu crois que le quartier te viole. Fifi. International missière et dans l'ombre. Les gosses du monde, personne pose tir sur les mecs de tête. En silence, les blessures sont profondes. C'est un dentiste du okay. 47 cap sur le tiers monde. Chaque coin du monde, un gosse tombe mort violente. À chaque seconde, 2000 ans. Précipité, si tu veux pas précipiter ta perte. On fait la guerre, on porte un précipice. On va pas se contenter des miettes. Du 9-4 au 0-4, les fêtes mettent. On s'en bat les couilles. Rap à perte, Maria la street prend perpète, suicidaire. Nique sa vie sur un coup de tête. Faire sauter la boîte crânienne. Fume la weed jamaïcaine. Pour moi, les problèmes. La merde dans ma vie, mais la cité. 2 000 ans. C'est la nocturne, mon pote. Zest de test. 2 000 ans. Les gars! NIRO, premier ballon. Son album est sorti aussi aujourd'hui. Si je me souviens. Ok. Force. J'aurais voulu que le paternel m'offre mon premier ballon à la maternelle. Aujourd'hui son fils a le bras long. En France c'est sur la terre mère. Sans réaliste rien, maintenant c'est tout pour le matériel. Que des remords et des regrets devant les portes l'éternel. Que m'apprennent mes premiers passements de jambes, mes premières galères. À l'heure, avec ses valeurs, j'aurais pas appris celle de mes voleurs. À se rafaler pour l'oseille, l'honneur ou le désordre. Les yeux du malheur, même avec les dents du bonheur. Qu'il assiste à ma première chute, qu'il mette mon premier boss mort. Qu'il assiste à mon premier but, soit faire mes premiers rendements. Mental de bonhomme récolté en solo sur le bout. Factory. J'espère avoir des marmots jeunes leur offrir tout ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, on n'est pas attaché à la vie. Inch'Allah, tout ce qu'on veut, c'est voir nos proches à l'abri. Yeah. On galère pas d'office, l'ange de gauche par la novice. Mais grâce à Dieu, j'offrirai le premier ballon à mon fils. Yeah. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Mon premier ballon. Pour ceux qui comprennent le message, l'album est sorti aujourd'hui. 2000 euros. On a pris mes patins, puis mon premier ballon. Dieu, je me faire tacler sur le théâtre. Puis mon premier ballon. Dieu, j'ai connu mes amis grâce à mon premier ballon. J'ai fui la zère, mais grâce à mon premier ballon. Un gros, j'ai mûri dans les rues où ça furie. J'rappais à 17 piges, que du flow de la tuerie. Et elle voulait m'offrir mon premier ballon. Je me suis fait sans père. Dealer, c'est moi la force du daron. Du daron. Petit à petit, j'ai fait mes galons. Envoyé en l'air mes galères. Je me suis employé, j'avais même un salaire. Sais-tu ce que c'est que la vie là où l'on traîne? Voir des frères à 15 piges, je prends des longs. C'est du lourd. D'autres mourir par couche là. Des accidents, des coups de crasse. À attendre que le goût passe. À faire du mal au poucave. Je voulais te raconter tout ça. Ils voyaient une importance. Ils veulent rien voir comme des froussards. Frère innocent, on glisse. Moi et mes sans complices. Je devais construire ma vie, je le faisais sans notice. Mais j'ai forcé les choses, cherché le but à l'indice. Grâce à Dieu, j'offrirai le premier ballon à mon fils. Mon premier ballon. Dieu. Mon premier ballon. Dieu. Mon premier ballon. Dieu. Faut Alpha Bill, les gros. Dieu. Dieu. Dieu. Mon premier ballon. Dieu. Mon premier ballon. Dieu. yeux. Personne n'a pris mes patins depuis mon premier ballon. Je peux me faire tacler sur le terrain depuis mon premier ballon. Tu connais, j'ai connu mes amis grâce à mon premier ballon. J'ai fou laser, mais tu connais Clando. C'est la nocturne avec Zesso et donc ce morceau avec Niro aussi. Ouais, en combinaison. Premier ballon. Son album aussi. Bah, l'album est dans les bacs aujourd'hui. Avec cette Gecko, le frérot. T'as vu? Ah, il y a du monde là en ce moment. Ouais, c'est bien. Hein. Ça donne envie aux gens d'aller écouter de la musique. C'est de la compétition, c'est bien. C'est de la bonne compétition. Compétition positive. Et en même temps, ça donne du choix en même temps à l'auditeur. Voilà. Bah, dites-nous d'ailleurs si vous avez récupéré les albums, envoyez des messages, celui de Zesso. Allez chercher le mien en tout cas. Bah, dès maintenant, on peut le prendre dès maintenant, on peut aller cliquer, on récupère l'album de Zesso. Bah, ouais. Tout à l'heure, là, tu disais, il y a aussi un. Excuse-moi, vas-y. Si t'es un petit loulou qui connaît pas encore la rue, la vraie histoire de la rue, la bonne musique. Va prendre cet album et ainsi que les albums des vrais que. Voilà. Ils sont, bon, on va pas faire leur pub, mais bon, ils sont avec nous aussi, c'est le même délire, c'est le même train. T'inquiète pas, on se voit. Il faut prendre cet album. Toi, petit loulou qui connaît rien. Il faut que t'ailles prendre celui-là. Là, tu vas connaître les choses. C'est Zesso avec nous et l'équipe aussi du label qui est la Bad Game. Vos messages 41759. Zesso, on va repartir sur une nouvelle session. Je vais juste aussi te demander, il y a des concerts. Tu disais le 14 novembre, là, c'est ça, hein? 14 novembre, il y a le concert Ghetto Fab Show. Ouais. T'as vu, avec du monde sur l'affiche. Donc, on sera là-bas pour représenter le 9-4. Parce qu'apparemment, c'est le concert spécial 9-3. Donc, il y a un mec du 9-4. Il fallait une pointe du 9-4. Dédicace à l'équipe, à Sean, à tout bordel. C'est le frérot là-bas. On va faire ça bien sale pour eux. Ouais, on va faire de la bonne musique. C'est ce qu'on aime faire. On est reparti pour une nouvelle session. Envoie Fred, vas-y. DJMS. Envoie la sauce, c'est DJMS. Le Brianna voulait un route boy. Le game a festé de Piranha, mais pour nous ça roule boy. Boy, la relève, grosse relève comme un piment. Disponible sur YouTube. J'en ai déjà fait le tour, c'est un peu comme le périph. Prends pas ta vibration de bataille, en vérité c'est paisible. T'as nos temps, y'était ni plus crédible. Maintenant que t'as plus de crédit, y'a de l'eau dans le gaz ou de l'eau dans le sky. Tu sais ce que je perds quand je gagne un peu, on m'appelle. Faire du sale, comme un pompier quand y'a le feu. Mais la matière sous vide. Sourire. Le charme d'une fonce qui donne le sourire. Amnésia un peu sans verpiller. L'instant présent devient un souvenir à rouler. Je suis pas de la new generation, c'est les biches mon aération. C'est pas les jeunes qui vont vers l'échec, c'est l'échec qui va vers les jeunes. Tout comme la mère qui prend l'homme, et vu que rien qui se nice. T'as peur de partir. Ok, 06 mon pote. Ça passe crème, passe de ta flèche, y'a pas de des tours de passe pour passer ta semaine, hermano. Ça passe crème, passe de ta flèche, y'a pas de taf. Des tours de passe pour passer ta semaine. Le cœur a ses raisons, le cœur est raisonnable. Dangereuses sont les liaisons. L'homme est un triste personnage. J'ai fait le tour de mon hall pendant que les décideurs veulent statuer sur mon rôle. J'ai ce qui joue sur le moral, pour ça j'ai ce qui s'en sourire. Que tous ces jours perdus ne soient qu'à loin ta souvenir. Chaque matin, subvenir pour le reste, on devrait s'unir. Pour quel message? Ouais, sous quoi? Je suis pas conçu. Mais là ou quoi? Dieu. Jacuzzi. Pas de bisous. Allez, guettez ça sur YouTube, mon pote. En 2000, Zo. 2000, Zo. C'est le son du 2000, Zo. C'est nice. DJ MS. Hey, c'est parti. Allez le chercher là, c'est l'album de l'année celui-là. Here we go. C'est de thèse gros. Hey, go. 2000 zo. Faut y aller. Here we go. Dédicace au frérot colonel 9-4. Hey. 2000 zo. 2000 zo. Mec de thèse, ingénieux, génius à la prod. En forme, putain de raffus avant la fin de la fab. Dites la France infâme. Oh ma femme, je leur donne une autre gamme. Bad game c'est haut de gamme. Une autre gramme. Regarde mes votre âme. Regardez notre âme. Cosa Nostra. Même si je pose grave. Lourd rap, le vôtre strap. Il est pas hip hop, trafic, je reste dans mon époque. Tactique, charismatique, pop, sap. Deux step, deux trap. On m'a dit, zèze, t'arrêtes jamais. Don't stop. Leur système pue. Personne slap. Tu veux que je me reconnaisse en slap? Non, c'est moi qui mène la danse. La new, bitch, une dance floor. Prends mon rap comme une sale habitude. Toujours entraîné, toujours en pleine forme. Wesh Coco, wesh ton 9-4 mm, le style qui pèse. 4-9-4, here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Ok, je vais le faire. 2-0 Zeno, mon pote. Le rap a serré. 2-0 Zeno, ok, je vais le saigner. 2-0 Zeno. 2-0 Zeno. Here we go. Here we go. Yeah. Here we go. Ok, je vais le faire. Eux, ils n'ont qu'essayé. Z-O, négro. Dans un gros bel. Et on t'a dit, c'est le jeu de l'an, c'est le gros bordel. C'est pété, va acheter l'album, mon vieux. Va l'écouter même, on s'en bat les couilles. Écoute mon son, mon vieux. Écoute mon son. Dans un gros bel. Dans un gros bel. Négro. Ok. Dans un gros delbo. T'es comme un bateau qui chavire dans un gros delbo. C'est comme ça que j'ai fait ma vie dans un gros delbo. Gros, j'écris ma peine sur le pavé, sur le pavé. De foutu de la vie dans un gros delbo. J'organise le bordel, j'raconte ma vie. J'raconte. Plongé dans un trou noir, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Quand je redresse à droite, ça penche à gauche. Penche à gauche. Quand je redresse à gauche, à droite c'est ouche. Je veux bien ou pas de moi comme un grand salaud. Grand salaud. Je suis mal, j'entends les pas avec ses grands sabots. Dieu, Dieu. Un putain de bordel pour un pressario. Pareil que je dois faire du nettoyage. Dans ma vie, Asano. Asano. Asano. On change pas. Y'a rien qui passe avant. Bouzo. Une fois je crois qu'ils veulent m'inspirer. Genre chien ça vend. Je te parle de la rue, ça m'inspire. Sale tiens, sale tiens, sale tiens. Comme un bateau qui chavait. Dans un gros delbo. Delbo en négo. Dans un gros delbo. Delbo en négo. J'écris ma peine sur le pavé. Sur le pavé. On parle de foutu de la vie. Dans un gros delbo. T'es comme un bateau qui chavait. Dans un gros delbo. C'est comme ça que j'ai fait ma vie. Dans un gros delbo. Gros, j'écris ma peine. 18 titres, que de la frappe. Que des bijoux sculptés, mon vieux. La hure, les gros, la hure. La hure, les gros, la hure. Un gros delbord. Avec Zesso, ce soir jour de l'an, jour de sortie, voilà, pour le projet de Zesso. C'est un fiesta. Tout péter le Dom Pérignon, ma couille. Ouais, gros. Ah ouais, c'est le jour de l'an. Zesso, un petit mot d'ailleurs sur les gens qui sont présents. On l'a dit, il y a Niro, il y a Nesbill dessus, Dr. Berries. Ouais, exact. Qui est présent. Bah ouais, c'est comme je, c'est les frères. Il y a Colonel 94. Et, Colonel 94. Ouais, sur un gros titre Windows avec Monsieur Gambino à la prod. Et voilà. Ouais, non, c'est que des gens que, en vrai, on s'apprécie humainement, que je connais, que j'ai connu, tu vois. Avant de faire ces morceaux-là. Donc, les gens avec qui tu bosses aussi, les producteurs de cet album, avec qui t'as bossé? Les producteurs, il y en a beaucoup. Il y a Dudax, il y a Besset, il y a Gambino, il y a Drega, il y a Bersa, dédicace à eux tous. Il y a du monde, il y a Hieroglyph. Tous ceux qui savent faire de la bonne musique, quoi. Zesso avec nous, le contrôle de la nocturne. Tout à l'heure, tu nous feras un live aussi, je crois, Zesso. Ouais, enfin, on va s'amuser un peu. On va s'amuser un peu et là, on part pour une nouvelle session. Ouais, vas-y, on voit, DJ au MS, toujours au platine. Ça tartine direct. On voit c'est la rue, toujours la rue, quoi qu'il arrive. Frère d'art. Négro. La rue, négro, toujours la rue, négro. Avant que la rue te pète. Karim. La rue, négro. Avant que la rue te pète. Yeah. 1, 3. Si t'es libre, avant que la rue te pète. Te libère, négro. Château, okay. Négro. La rue, négro. Avant que la rue te pète. Yeah. Frère d'art, mon vieux. Avant que la rue te pète. C'est hardcore, direct. Avant que la rue te... Dieu. Avant gars te pète. Mets-toi en cavale, ce qui te guette c'est pas la cabane en fait. C'est la cave, si on baisse c'est la classe. Avec le monde, j'suis en clash. Trop de ghetto youth sur la classe. Bellec au dernier de la classe. Mon destin peut te mettre une grande claque. A Vitry j'ai laissé l'encrasse. De shit mes poumons j'encrasse. Crois pas que j'm'adresse qu'aux gens crades. A bip et son, j'ai trempé l'encrade. Histoire que ma plume reste bloquée dans le crâne. Tes cendres retrouvées dans le drap. Une seringue mon flot retrouvé dans le nous espérons sacrifier dans le drap. Tempérament fait faute des membranes. J't'évite tes fautes, tu m'en graves. Rien à foutre, c'est le système qui m'engraine. Disparaissent nous bien comme mandrake. Dans ma tête c'est même plus la peine. C'est le bordel, l'homme en vrac. Y'a que la haine et l'envie. Chez un qui se languit. Les larmes ruisselantes en vie. Dimanche t'es à manger. Qui démange nos démons gros vas-y mange tes moi. Regarde-moi. J'suis un poids lourd sur le ring, j'ai trop d'énormes. Avant que la haine te pète. Yeah. La rue, avant que la haine te pète. Dans la tête, négro. Baisse la tête, change. Allez chercher, négro. Cherche dans la ville où on est. Carbonisé, c'est du carbo. Ça se carbo, négro, carbo. Ça se carbo, faut aller chercher la zone, négro. Comme un petit frère au dépôt. Yeah, yeah. Sans du dépôt, on va le chercher aussi. Il traîne des petites billes. Prêt à mourir, on a muré. Qui est bon, qui est pour et qui a tiré et qui a couru. C'est le flow pour les morveux et les fils de dépourvus. Que les brigades ont déjà passé en revue. Viens encore un parcours. T'es dans le créneau de la BR. Rien de cas. En marche arrière, on arrache les vitrines. Les voyous portent leur casquette comme un casque de guerre. Sauter la caisse des pannes. On porte notre vécu comme une caisse de bière. On voit les plots sans patate. On a la dalle entre l'état. Commence pas, t'es comme un jihai en plein bagdad. L'avenir ensemble, les grands ensemble. La cocaïne en France, on prend. Porte pas la haine et à fond. Comment accepter la défaite, jamais de la France. Villarcon, Villarcrosse. Avec les couilles, avec la grosse. On veut être sur des coups comme l'affaire Madoff. Je te donne la croche, t'auras toujours un trou au fond de la poche. Avant que la haine te pète. Avant que la haine te pète dans la tête. Que tu sautes sur une mie. Baisse la tête, change de veste. Et dès que tu cherches dans la ville. Nous on est carbonisé, c'est trop carburé ghetto. Brutalisé, c'est trop des cas sociaux. Enragé comme un petit frère au dépôt. Enragé négro. Dihamdoulet des Indiens. Les gens sont loin d'être comme dans vos chansons. Toujours en quête de rançon. On doit parler du mensonge. C'est on doit parler d'éléments sages. T'as pas saisi le message. Y'a pas de recette pour le dressage. Ça s'agit. Mais à tout âge, ils disent tous qu'ils veulent plus grave le sale shit. Pas trop sage vite, pas trop sage vite. Tous plus avides, les uns que les autres. Donc on avance avec les uns comme les séantes. On vient de là où les gens sont. Loin d'être comme dans vos chansons. Toujours en quête de rançon. On parler du mensonge. Pourquoi parler d'éléments sages. T'as pas saisi le message. Y'a pas de recette pour le dressage. Donc ça s'agit. À tout âge, ils disent tous qu'ils veulent plus grave le sale shit. Passez vos sages vite, pas le temps pour que ça se vite. Tous plus avides, les uns que les autres. Donc on avance avec les uns comme les le comité. Je les écoute à ce qu'ils disent. Les jeunes de test sont chauds et business. Plus de finesse quand les périodes de crise naissent. Très peu reste dans l'abstinence. Je vais entrer plus au balleur ou le délit finance. Alors la boîte grosse. Et ça qu'apporte la période. C'est les pavés ou l'exode. Tu connais la méthode. Pour ça pas besoin d'études. Où ça nous mène le sais-tu. Comprends-tu. Qu'on soit têtu ou obtus. Qu'on soit tu. Qu'on a revêtu. L'esprit de la haine et de la rue. En brûlant celui de la vertu. Et tout ça se perpétue. Même chez Cole te laisse des séquelles. J'allais même plus aux heures de colle. Car au fond j'avais qu'elle. N'avait rien à m'apporter. J'étais caca parmi tant. On pense qu'on a apporté. Pour nous y'a que ça n'important. À chaque moment. À chaque moment. Ça c'est mon son préféré de l'album ça. Faut que tu prouves ton dévouement. Faut que tu trouves ton chemin en attendant le dénouement. Pas juste en suivant le mouvement. Tâche d'éviter les tourments. Car on t'aura si t'es trop gourmand à chaque moment. Faut que tu prouves ton dévouement. Faut que tu trouves ton chemin en attendant le dénouement. Pas juste en suivant le mouvement. Tâche d'éviter les tournants. Car on t'aura si t'es trop gourmand. Départ, je me prépare pour percer. Prendre ma part de barre et de partir. Amortir ces putains de versets. Le pire c'est que c'est pas sûr que je m'en sorte. Je suis ou bien je mets la clé sous la porte. Peu importe si on s'en porte. Dans laquelle je survis. M'a toujours appris qu'un peu de potes. Comme c'est seulement dans le tourment qu'on s'adopte. Mon pleutor, t'as plus à score, plus ça nous force. À force. Certaines épreuves te froissent. C'est toi qui rentres. Ah, c'est plus ces mensonges. Moi, c'est à l'oseille que je songe. Vois comment les gens sont. Si t'as pas que tu n'es. Ici, tu plonges. Juste, je m'arrête mes fonces. Depuis l'adolescence, à ma vie, j'aimerais donner un sens, une reconnaissance. Chaque fois que je rappe, ma haine, ma peine devient criminogène. Raisonner les jeunes, les gènes, y'a plus de sens. C'est plus la peine. Mon flow m'arrive mon propre. Chaque fois que j'excelle, les psys sont. J'ai les mains propres. Allez savoir pourquoi. Mon rap est sombre à chaque moment. Faut que tu trouves ton dévouement. Faut que tu trouves ton chemin en attendant le dénouement. Pas juste en suivant le mouvement. Tâche d'éviter les tourments. Car on t'aura si t'es trop gourmand à chaque moment. Faut que tu prouves ton dévouement. faut que tu trouves ton chemin en attendant le dénouement. Passe du temps suivant le mouvement. Tâche d'éviter les tournants. Car on t'aura assez de tout bourrement. Putain, c'est époque tout ça, hein. Dieu, mais il se fait plaisir, il en voit que, hein. Les petits classiques. N'oubliez pas, c'est l'album de Milzo qui est dans les bacs. Allez chercher. Quand t'es dans la caisse, c'est que la caisse elle roulait pas. Hein, écoutez ces sons là. Voilà. Dans la voiture squat. Rappelez-vous les gars. Bande d'enfoirés, vous connaissez la vie ou non? Vous connaissez la rue? Donc vous connaissez ce son. Yeah. Bande d'enfoirés. Spécial pour tous les frères enfermés. Tous, tous. Nous écoutons sans exception. La force, les négros. Ouais, Joji. C'est la nocturne et au contrôle de la nocturne ce soir. Il y a Zesso qui est là avec ouais, nous. Des petits retours en arrière comme ça qui font bien plaisir aussi. C'est histoire de rappeler, t'as vu. Il y en a peut-être même des petits jeunes, ils connaissent pas maintenant. C'est ouais. Ces petits classiques. Ouais, c'est important ça. C'est important de savoir quand même que là, tu reçois un monsieur qui a marqué l'histoire du rap français aujourd'hui. Tu vois. Ouais, ça fait plaisir d'être là pour défendre cet album. J'en dirais pas tant de moi-même. Faut donner la force. De la part du frère. Non, faut donner la force. Faut donner la force. C'est aujourd'hui, il faut acheter l'album. Ouais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de l'an pour Zesso. C'est sorti aujourd'hui. Est-ce qu'on attaque le live, Zesso? Est-ce que tu te sens chaud? Ouais, est-ce que tu veux repartir sur une nouvelle session? Comme tu veux. DJ MS, t'as quelque chose à nous mettre ou... On repart sur une nouvelle session, sur live? Ouais, vas-y, on va faire, comme on tu veux. Un petit live. Un petit live. On des petits lives. Et puis on finira aussi avec encore deux, trois autres morceaux tranquillement. De Zesso, cette nocturne. Voilà. En fait, t'as vu, c'est un petit. On n'est pas pressé de finir, on n'est pas pressé. Ah, bah, il y a encore du temps, il y a encore du temps. On en profite, bien sûr. C'est un son qui est sorti dans mon EP juste avant, là, en attendant 2000 zo. 9 titres pour ceux qui l'ont loupé. Et bref, en gros, ça fait partie du squelette de cet album 2000 zo. T'as vu, c'est un univers spécial. Et voilà, j'ai quelques morceaux vraiment phares qui ont fait le squelette de 2000 zo. Et voilà, ça en fait partie, Ghetto OO. Ça en fait partie de DJ MS, quand tu veux. Des Hall. Motherfucker, fucker, fucker. Ok. Tu connais Bad Game, MDMA, combinaison Diabolizo, 2000 zo. Petit street beef par son squad sur YouTube. Il y est sur YouTube, vas-y. Get ça. Va voir la saleté en image. Ok. Ghetto. Yeah. Faka. Ghetto. Oh. Faka. Ghetto, oh oh, yeah. Ghetto, oh oh, yeah. Ghetto, oh oh, ghetto, oh oh, ghetto, oh oh, ghetto, oh oh, ghetto. Père de Nike en boîte de Nike. Trop ghetto, street life, oh. Ghetto, oh oh, ghetto, oh oh, ghetto, oh oh, ghetto. Trop ghetto, j'rentre même en boîte avec mes Nike. Marie m'a filmé sur le ghetto, Lee Spice. Mène ta carrière comme Tyson Mike. Trop ghetto pour le game, c'est ça qui se passe. Ok, qui te parle, c'est Zesso qui te parle. J'vais en mode rag la carrière d'équitable. Flow tremblement de terre, y'a plus d'équipe stable. Trop de soucis sur le dos. Pas donc tous ces politiques ou garde un oeil sur le bordel. Toi t'es pisté par les cristés, faut que tu t'en sortes un. Tu te sens obligé de faire des soupes, t'en sortir en cas de blême. J'arrive ghetto sur l'instru, histoire t'en prennes la bonne graine. Oh oh, ghetto oh oh, ghetto oh oh, ghetto oh oh, ghetto. Père de Nike en boîte de Nike. Trop ghetto, street oh oh. Tu veux que Disney gueule, t'es qu'une bitch, I don't like, have bonne vibe. Ton frère, je représente les vrais qui te donnent up. Ok, c'est Zesso, dit all, dit ghetto, oh oh. On va leur mettre comme il faut, ghetto, oh oh. Nique sa mère, la liste pose sur les murs du ghetto, oh oh. Je rentre dans le resto, je roule mon bédo, ghetto, oh oh. Existe pas tu n'y résistes pas. Plus ghetto que je t'aime, ça n'existe pas. Tu feras pas mieux, non, n'insiste pas. Flow ghetto pour les pros, elle n'existe pas. Ne te désiste pas, tu n'y résistes pas. Plus ghetto que je t'aime, ça n'existe pas. Tu feras pas mieux, non, n'insiste pas. Flow ghetto pour les pros, elle n'existe pas. Oh oh, ghetto oh oh. Ghetto oh oh. Ghetto oh oh. Ghetto, ghetto. Paire de Nike en boîte de Nike. Paire de Nike en boîte de Nike. Pro ghetto, street life. Zesso contrôlé en live à l'instant de la nocturne. La meilleure partie de le dessert. Il a enlevé le dessert de la musique. Il avait t'a laissé le bon quand même. Mais bon, allez voir sur YouTube. Il y avait la suite, mais il faut aller sur YouTube pour regarder la suite. Il l'a fait avec un grand sourire en tout cas, un DJ MS. Genre, allez cliquer, allez voir un peu. Il faut y aller pour voir la suite, quoi qu'il arrive. Il faut aller voir la suite. Ça, ça dit que DJ MS. Et bon, on va profiter de lui encore. Et toi aussi, Zesso, pendant quelques minutes, on repart sur une nouvelle session. Maintenant, on rappelle que l'album est dans les bacs depuis aujourd'hui. On peut cliquer maintenant, le récupérer tout de suite. Il faut y aller direct. Beaucoup d'univers à découvrir. Il y a aucun prétexte à pas aller le chercher. Il y a beaucoup d'univers à découvrir dans l'album encore. Ça sert à rien ça. Zesso, MS au contrôle, c'est parti. Nigga, nigga, nigga. Ok. Yeah. Ma plume, Bersa. Motherfucker. Attention, attention. Hey, laisse brancher. 2000 zones, mon pote. Ma plume. Bersa au contrôle de la prod. Hey. Yeah. Yeah. Le crime dans la plume. J'ai dit ça pue la merde quand y'a plus d'enfants. Mec y'a plus d'enfants. Eh, ok. Ils parlent beaucoup mais ils n'ont rien. Qu'est-ce qui certifie nos liens au but tu nous enchaînes. Yeah. Le tout pour tout, c'est ça ou rien là où l'on traîne. C'est que cette vie nous engraine. Des larmes de sang pour seul emblème. Attaché à nos problèmes. Et regarde où ça nous mène. C'est 2000 sous mon vieux. Promotionne. Ma plume. Extrême, le club des grosses chaînes. Dédicace au petit frérot massif. Rien à perdre, doit négocier. Je connais plus d'alarme aussi. Je regarde le cas. Je vois plus fausser. Il est trop tard. Contre cycle. On faisait du sale pour la recette. Mon père a perdu la vie. N'ont même pas eu un quart de siècle. Et je les entends chanter. Vanter comme s'ils avaient tout fait. Ils seraient morts asphyxiés si leur enfant pouvait les étouffer. Wesh, pas quitto. Enfant de Dieu était prouvé. Va chercher les gros. Garde le silence quand il souffre. L'être humain ferme les yeux car il a peur. Lyon, Marseille, toutes les villes, Grenoble, tout ça. Le cœur noyé. 9-4, 9-2, 9-3, les gros. Au tournant, c'est lui. Elle est construite notre vie. 9-1. Tous les départements sales, les gros. Tous les vrais vont se reconnaître dans tous ces soins-là. Face à la guerre, plus d'enfants. Excuse pour le son, j'en fais des plus dansants. C'est le crime dans la plume dans le sang. J'ai dit ça pue la merde quand y'a plus d'enfants. C'est comme face à la guerre, y'a plus d'enfants. Excuse pour le son, j'en fais des plus dansants. Yeah. Vig, sous le squad. Ok. Ma vie, la vie. La vie mise au mauvais, depuis 6 novembre, c'est aujourd'hui même. Yeah, nigga. Depuis de prétendant outil. Dans le pétrin, depuis que j'ai écouté ton putain de trafic chaotique. Malentendant, j'ai gagné 2000 ans, mon vieux. Je suis mis fiancé. Faut aller chanter, les gros. D'après mon conseiller, ouais, financier. Rap sauvage comme Mougli dans la jungle. MC, rentre jamais dans la cage. Comme un singe, j'entends que tu grimpes. Comme un singe agile. J'ai pas dit mon dernier mot, rappeur, acteur fragile. C'est ton dernier rôle, on moucule ton temps de parole. On t'avait dit de pas faire le mailleur. Flow gros moteur, pas la dernière roue du carrosse. À la bouche, un carmas. T'as misé sur mauvais cheval. Pourtant, t'es pas en karma. Dans la rue, ça canard. Jamais ta bande son sale canaille. Quand tu laisses la rue à l'abandon. Viens faire un tour dans le hall, ça sent bon. J'veux le gros lot que les majeurs viennent mastiquer le bout. Depuis comme un vieux film de boule. Système, ce film est fait pour vous. J'coupe des têtes comme un âge. on est sur iTunes et ton remède. Fais de la chirurgie si t'aimes pas. Ah ouais, les frères, qu'est-ce que tu veux? On va aller le chercher. DJ MS, t'as fait un cadeau là. Ouais, Sean. Des va-et-vient, rester vivant dans l'évidence. Me voir plonger dans le vide. Douleur vive, j'suis tombé dans le vide. Point vita sous la veste, pas que tu me saoules. Avec les choses sur lesquelles je me suis surinvesti. Qu'est-ce que demain me destine? Moi j'suis serein d'esprit. C'est ça la vie que j'aime. La vie que j'ai, le rap, la famille, la rue, la famille de la rue. Pensez à mon pote, c'est que la famille l'a eu, la réussite nous a hué. On voulait pas le mal, juste quoi nous amuser. Gros c'est abusé, tout ce temps passé à flouter l'avenir. L'avenir, à croire qu'au fond on veut pas devenir. Veux pas devenir, négro. Le rap, la famille, la rue, la famille de la rue. Pensez à mon pote, c'est que la famille l'a eu. Ma carrière grave de test. Un feu de joie, un coup à finir ensemble. Comme un feu de bois. Houssène, je dors plus. J'ai le sommeil léger. Je sors plus. Je me sens piégé. J'cavale comme fiasque. J'y rêve avec des grands liasses. La grande classe, j'prends place. Regarde ta vie en écran plasma. Grand classe, bois. J'ai des illusions, des fantasmes. Comme un fantôme, t'as pas fini de faire le tour. La vie me joue des tours, c'est à l'enfance que tout remonte. Le mal pour tout remettre, là où l'amour me mène. Personne n'est parfait, l'erreur est humaine. Je connais la rue, ouais je suis la rue même. La rue n'est où? J'fous le feu, la rue n'est où? Pas de victoire à concéder. Les gros t'y penses pas, pense pas. Flot des conseillers pour les petites lances bas. Les conseillers, j'ai des skins. Gros c'est pour qui t'comptes pas. Tu es le seul juge, un demi au mon vieux. Négro tu connais, j'ai de ma famille ça. Ça c'est pas la famille ça. Hein, moi j'comprends. Nous a hué. On voulait pas le mal, juste quoi. Nous amuser, gros c'est abusé. L'avenir, l'avenir, à croire qu'au fond on veut pas devenir, pas devenir. Le rap, la famille, la rue, la famille, la rue. Les gars, mon pote, c'est que la famille, la rue. Ouais, ouais, ouais. Brou. 2000 zo, négro. Voilà, voilà. C'est ce qu'il arrive. Est avec nous ce soir dans la nocturne pendant quelques minutes encore. Yeah. Et on rappelle que son projet est dans les bacs depuis aujourd'hui. Aujourd'hui même. On peut le trouver en support physique aussi demain, par exemple, quand on se réveille. Premier truc à faire, ah c'est. Oui. C'est le meilleur, le physique. Moi, je sais pas. Moi, je suis pas. C'est à l'ancienne, négro, c'est ça. Tu peux avoir trop ça, CD. Moi. Le physique, rien de tel qu'avoir le CD, le truc dans les mains, le foutre à fond dans la voiture, sa mère. Regardez le livret, tout. Ah ouais, t'as vu, un beau CD. Donc demain matin, au réveil, après la nocturne. Après, faites ce que vous voulez. Hein. Faites après, ce que vous voulez, mais moi, c'est mon conseil personnel. Là. Ceux qui viennent sur internet direct. Dédicace à tous les frérots, fermés. Du moment que tu l'as. Tu nous écoutes attentivement. C'est essentiel. Zesso, on part sur une dernière session. Ouais, ouais. Avant de se dire au revoir pour cette nocturne. C'est cool. DJ MS, c'est quand tu veux. DJ MS. Brûle. Allez chercher l'album. Allez l'écouter, allez le saigner. Peu importe le combat, peu importe le combat, peu importe le combat. Oh yo. Ça c'est le cri de guerre mon vieux. Oh yo. Peu importe le combat, peu importe le combat, peu importe le combat que l'on doit mener. Dieu, le rap c'est mon domaine, ok je domine. Oh, dans mon zoo on est 2000. Oh, ça gamberge, pas de rap 2000. Oh, serre pas la main aux putes, Vénus 2000. Oh, les gros c'est du lourd, je relève le niveau. Oh, ça pèse sur la conscience, surcharge de kill. Oh, destruction massive hostile. Oh, les rappeurs prennent pour des 6 gros, des profs de fil. Oh, oh. Tu savais pas que j'étais si haut. Rap de T6 suspect comme Kevin Spacey. Oh, j'espère que tu l'apprécies. Oh, Zest de Tess, c'est 2000 zones mon pote. Yo Léo, malas. Peu importe le combat. Peu importe le combat. Regisseur. Ok. Tous les négros partout, les gros, les rap joueurs, tout le monde. Oh yo, tout le monde, tous les ghetto youth, tous les vrais gars, hein. Et ceux qui veulent le devenir. Pour tous. Yeah. Un coup de feu dans le dark. Ça c'est pour tous les loups. J'en veux la marteau, hein. Gros je les prends de vitesse. Pour tous les loups craqués, qui t'avalent. Ma course est pas en fait. J'ai jamais à lâcher mon pote. Je voulais me voir en bas, hein. Jamais d'aussi je m'entête. La survie c'est le blessé, tu connais, c'est ça la traque. Type du qui tire, dans la couture, à leur prédiction. Thème de prédilection, traqué depuis l'introduction. C'est le bordel dans ma tête. Ils ont braqué mes armes. Impossible qu'on arrête. Tu sens sur le fait, sur ce que les attentes surveillent. Un chemin à poursuivre, je veux pas mourir dans l'eau. Traqué comme un loup. On cherche ta survie. M'arrête, ils ont braqué les armes. Impossible qu'on arrête d'être pris. Ça dit rien ou quoi? Un chemin poursuit, je veux pas mourir dans l'eau. Yeah. T'es fou, ma gueule. On cherche à survivre face au drame. Yeah. Là, ils comprennent pas mon art. Pas mon art. J'irai toujours droit au but, même avec une seule flèche à mon arc. L'espoir sera mon arme, on n'a plus de rêve à mon âge. Dis-leur tout l'or du monde n'aura pas mon âme. Combat contre le mal, t'inquiète, on fait le poids sans jamais se laisser abattre. Baisser les bras, crois pas que j'en ai le droit. On t'a fait croire en l'exploit, on t'affaiblit, on t'exploite. Dis-moi, crois-tu qu'on ait le choix? Yeah, la traque, mon vieux. BIG, tu connais, c'est pour les loups. BIGS les gros, tu connais ça. Dédicace à tous ceux qui écoutent ce son, ça les emmène loin. Ceux qui ont capté le délire. On survit en bas. Force à nous. Vas-y, c'est le dernier DJ MS. Dernier son 2000 zo. Jusqu'au matin mon pote. Encore un autre délire. Jusqu'au matin, t'es grave. Jusqu'au matin. Jusqu'à preuve du contraire, non. Jusqu'à proche du coma. Bouge ta tête, coup du lapin. Vas-y, bouge tes seuls, coup du tabac. Faut que tu nous stoppes ton baratin. Qui pensait sous d'un voir atteint. T'écoutes ma quête, c'est pire qu'un marathon. Je m'en voir à fond quand ça se la raconte. Par-dessus tout ça, esquive les marathons. Jusqu'au bout, personne ne m'a maté. J'suis pas les mannes, j'suis pas les mannequins. Zeste de tête, viens vous ambiancer. Jusqu'au matin. Des nuits sous huit. La vie suit son cours. Sourire, sourire à son tour. Plonger dans tes souvenirs. Sans long discours. Oublier de souffrir. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. 2000 ans mon vieux. C'est jusqu'au matin. Jusqu'au spar négro. T'as capillé les léons pas. Jour de l'an mon vieux. Demain matin t'y es encore. Jusqu'au 2000 ans. 2000 ans. Jusqu'au matin négro. 2000 ans. Ça bouge 2000 pas. On s'arrête 2000 pas. 2000 os. 2000 os. 9-4, 9-4. Pote. Lucas, ça chaud, le frérot. Merci Zesso pour cette nocturne. Yeah. Tu as pris le contrôle depuis une heure maintenant de la nocturne. On rappelle c'est que cool. Le projet... C'est la première fois Zesso sur son, toi, mon petit, ma petite fenêtre sur Skyrock. Donc, tu reviendras. Bah pourquoi pas. Tu reviendras. En plus, là, il y a d'autres projets. Tu nous as dit, il y a Rewind qui arrive. Il y a aussi des sorties pour le label Bad Game. Bien sûr. Donc bien cool. 2000 zo mon pote. Et 2000 zo, donc c'est l'actu du moment, c'est ce qu'il faut aller chercher. C'est la frappe du jour. Et puis on te retrouve donc en concert 14 novembre, c'est ça, hein, Bellevilloise. Ouais, Bellevilloise le 14 novembre avec le JFJ Show numéro 4. Donc voilà, on sera avec les frérots, avec DJ MS, avec tout le monde. Et une grosse affiche, donc allez regarder sur internet si vous n'êtes pas au courant de l'événement. Et pour suivre ton actu, donc on va sur Zesso officiel, c'est ça? Ouais, les Zesso officiels, allez sur YouTube, tapez ZESAU et voilà, vous allez découvrir. C'est pas dur à trouver, c'est vite fait. Toute la carte de la maison. Et bah merci en tout cas à vous. Dédicace au frérot Colonel 94 qui est pas là à cette heure-ci, enfin qui est là-bas, hein, le frérot. Et puis tout. Tous nos enfermés, bien sûr, puisque c'est eux qui saignent la radio à cette heure-ci là. Ah ouais, ceux qui écoutent. Ouais, tous les mecs sont dehors, qui s'évadent un petit peu avec le son. Voilà. Donc tout les petits, Acrimi, tout le bordel. Sans exception. Merci à MS aussi, au Platine qui a été brillant. Au mix Casablanca Style. Et merci à toi Zesso pour cette nocturne. Bah, merci à toi aussi de nous avoir donné cette petite fenêtre. Et à puis, très vite. À d'autres fenêtres. À d'autres fenêtres. Voilà. Ciao, ciao, ciao. À d'autres fenêtres jusqu'à la réception. Ciao les gars, merci à vous. Vas-y, ok, ça marche. Ciao, la nocturne 100% rap français qui continue avec Fabulo au contrôle de la nocturne. Session classique, c'est parti maintenant. Planète rap. 100% rap français. Thank you.

Alors écoute, gars, haute scène, département. Tu veux stopper mon crew, mais tu vas faire comment? Alors écoute, gars, mon nom stické sur tous les murs du 16 ans Hall. Négro, t'es sourd ou quoi? On est hard. Alors écoute, gars, un rap à son, c'est à plein stop. Le son qui fait péter un câble. Alors écoute, gars, reviens-toi, écoute, gars. Baka, montrer l'exemple, ne pas les inciter à la bêtise. Et j'ai appris qu'agir devant leurs yeux, c'est leur donner du vice. Laisse-moi dire qu'ils en ont plus que nous à leur âge. Encourage-les, incite-les à garder le cartable. Ne les incite pas à tituber, certains n'ont pas de grands frères. Dis-leur, tu seras là pour dialoguer. Incite-les à garder le sac sur le dos, d'esquiver les halls et qu'ils se battent afin d'arracher un diplôme. Ne les incite pas à bicraft un peu, hein. Les inciter, c'est trouler un joint devant leurs yeux. Dis-leur que quiconque taf dur sera récompensé. Ne les incite pas à squatter le banc, dis-leur bosser. Dis-leur surtout de respecter les parents et les aînés. Pour nous élever, ils ont été jusqu'à se niquer la santé. On est grands, on a tous fait des conneries. Je dis que l'erreur est humaine, les mauvais pas se corrigent. Faut leur montrer qu'un jeune d'en bas c'est faire autre chose qu'un spliff. Alors on se crée des carrières sportives et on sort des disques. Ne les incite pas à emprunter les chemins de l'interdit. Kéry, nos petits frères, on les aime, à nous de les avertir. Alors j'écris un verset de plus pour les types peu de ma zup, que j'incite avec plaisir à écouter nos disques. Ma vie à moi c'est la famille, le quartier, les études. Dis-leur d'accrocher les études, putain si j'avais su. N'incitons pas les plus jeunes à la bêtise. Car dans la vie y'a pas que la tease et les feux split. Ne leur dis pas stopper l'école pour le next beat. Ne leur dis pas qu'un bonheur ça fait de la sombrie. N'incitons pas les plus jeunes à la bêtise. Car dans la vie y'a pas que la haine et le débit. Ne leur dis pas stopper l'école pour le next beat. Ne leur dis pas qu'un vrai bonheur ça fait de la sombrie. Mets-toi à poil contre le mur, sale négro. Baisse-toi, maintenant écarte les fesses. Toi c'est à ça que tu les incites. Fais pas semblant d'être choqué car c'est à ça que tu les invite. Ça fait partie des rites que le bis et les sites impliquent. Pas une Kaira qui nous laisse un peu de son honneur dans une fouille à corps musclé en profondeur. Est-ce tout ce que nos petits frères ont mérité? Est-ce tout ce dont ils peuvent hériter? Si tu connais l'angoisse et le stress de la street, les battements de cœur, des fusillades quand les balles sifflent. Faut que ton cœur soit noir pour que tu puisses leur souhaiter ça. J'ai connu ça et pour mon petit frère je veux pas de ça. S-S-S deep, deep, deep, deep flow. Pour nos profs, on a ce qu'il faut. On a de la L-O-V-I, pas que de la R-A-G-I-S-B-E-A-C-I. Même si je suis un OG. N'incitons pas les plus jeunes à la bêtise. Car dans la vie, y'a pas que la tease et les feux split. Ne leur dis pas stopper l'école pour le Nesby. Ne leur dis pas qu'un bonheur, ça fait de la sombrie. N'incitons pas les plus jeunes à la bêtise. Car dans la vie, y'a pas que la haine et le débit. Ne leur dis pas stopper l'école pour le Nesby. Ne leur dis pas qu'un vrai bonheur, ça fait de la sombrie. J'ai vu que l'inconscience l'emportait souvent. C'est navrant de les voir naviguer dans le sens de l'argent. Découragé de leur dire qu'il n'y a pas d'avenir sans enjeu. Les voir à la dérive laisse à nos yeux des larmes de feu. La vérité a un prix, Baka, c'est Haka. Les gens ont troqué les illusions contre le Hako. Longue et périlleuse est la voie que tu as choisie. Tu nages à contre-courant, c'est ton choix, alors vas-y. Tu veux mener le djihad et faire face aux mensonges. Tu prendras moins d'oseille comme sans que des trucs dansants. Mais toi tu t'en fous de ça, c'est de l'amour que t'as dans le sang. Au nom de la vérité, peut-être qu'un jour on mourra ensemble, ensemble. Peut-être que pour la vérité on crèvera ensemble. Le principal c'est de savoir et vivre ensemble. Le manque d'amour étouffe nos frères. Si un ange t'ouvre ses bras, ne lui ferme pas ton cœur. On a de l'amour dans le cœur quand nous pleure. C'est une part de nous-mêmes qui se brise car on ne méprise pas leur douleur. Comment peux-tu comprendre ce texte si t'as pas d'amour pour le ghetto? Encore moins si tu ignores la pression de son étau. J'ai la rupture, la rupture. Malheureusement, peu m'avait prévenu. Je me suis perdu, j'ai perdu trop de potes. Il était trop tard quand j'ai su. J'ai la rupture, la rupture. Malheureusement, peu m'avait prévenu.

nous ont partiellement quittés, malheureusement. Comme Armand, d'autres pour toujours. Respect. La vie du Tchekar pousse les lascars, je ne sais où. J'ai vécu des sales coups et j'en ai appris beaucoup. Bâtiments A et B, dans les sombres quartiers, on s'en prie. Le phénix renaît après qu'on l'ait coupé de sa vie. J'ai une galère comme affaire et un jugement, j'attends. Pour une histoire où nous sommes tous perdants. Mama, pardonne-moi si c'est pourquoi je suis ici. Tous ces diplômes, je n'ai pas conquis. Mama, félicite ton fils, je suis droit dans mes choix. On apprécie ma voix et mon nom prend du poids. Le voici en solo pour un nouvel album. Bon, pour les métropoles, mais aussi pour les dons. C'est pas T.I. mais neige pile et son pelé d'aider. Prolifère pas un coup de chance, les fils de Hattai. Un cauchemar pour la France sorti de ses entrailles. Les représailles, j'atterre en catastrophe, je trahis des rails. Tragédie pour une graine de café. Daron Kaffre à la cape royale, j'ai pas fini de morfler. C'est pour les balafrés de la vie, comment se relever d'un camouflet. Stratégie de survie, tu dois te relever, même si t'es soufflé. Autre piste dans la barque, t'aimes les deux ailes, c'est toujours en place. Dans la jungle, Paris la proie, c'est la base. Tu fais plus, on te remplace. C'est ça le rap game, le loup dans la bergerie, un carnage dans l'arène. Oh, y'a plus personne sur la piste de danse. Crible les balles, la compétition dans les urgences. Oh, y'a plus personne sur la piste de danse. Crible les balles, la compétition dans les urgences. On rôde la nuit, mon frère, parce qu'on aime ça. Si guerre, il doit y avoir royal, la guerre, on la fera. Brume d'Aya, stratégie de guerre, paranoïa. Le trône, si je l'attrape, personne ne me le prendra. Les fils de salopes, leur lieu de naissance, une porcherie, un massacre. Sur Paris, j'ai le flow, la psychiatrie, j'suis pas un enfant de ta patrie, royal. J'suis pas venu en touriste, moi, j'suis le loup dans la bergerie, nique leur mère, les puristes. Dédicace au bain de sang dans lequel je nage, dans lequel j'me vois, dans lequel j'me noie. J'porte la couleur du désespoir, mon purgatoire en manche noire. Regarde, c'est une image d'apocalypse, je traverse le miroir. C'est pas des chialeuses, les fils de la lune. La tête prise dans l'enclume, au crépuscule, je suis chialé la plume. Taciturne, alors ça se défonce pour masquer nos lacunes. 273-478, comment oublier une matricule. On nous pisse dans la barque, t'aimes les deux ailes, c'est toujours en place. Dans la jungle, Paris la proie, c'est la base. Tu fais plus, on te remplace. C'est ça le rap game, le loup dans la bergerie, un carnage dans l'arène. Oh, y'a plus personne sur la piste de danse. Crible les balles, la compétition dans les urgences. Oh, y'a plus personne sur la piste de danse. Crible les balles, la compétition dans les urgences. On rôde la nuit, mon frère, parce qu'on aime ça. Si guerre, il doit y avoir royal, la guerre, on la fera. Brume d'Aya, stratégie de guerre, paranoïa. Le trône, si je l'attrape, personne ne me le prendra. Aujourd'hui la violence est devenue commerciale. Franchis jamais la ligne médiane, joue un carnage. Fin dans ta marche nuptiale, je rap bestial. La fin de l'histoire, je la connais déjà. L'instant est crucial, mon dieu se fait bouffer par les culs de jatch. Péter le C4, casse ton drone, le jour ton sac. Comme Zidane, joue dans le rouge, une carrière dans un cul de sac. Balafre ton rap français au sabre, qui bras le marchand de sable. Moi, je conçu pour durer, toi, t'es qu'un produit périssable. Avec Ness, y'a pas de featuring. Rentre, pense, tu dois bruit de blesse, te tranche la carotide. D'abord, sang dans l'hémicycle, horrible la mort sur du tigre. Type négroïde, suspect le flow, c'est du gros calibre. Autre piste dans la barque, t'aimes les deux ailes, c'est toujours en place. Dans la jungle, Paris la proie, c'est la base. Tu fais plus, on te remplace. C'est ça le rap game, le loup dans la bergerie, un carnage dans l'arène. Oh, y'a plus personne sur la piste de danse. Crible les balles, la compétition dans les urgences. Oh, y'a plus personne.

shit marseillaise débarque des balles, ces rimes écorchées, dis-leur qu'une fois dans short j'irai plus des bas, dis-leur que je me fous de la tendance et de ce que les gens disent, que je compte brûler leurs normes qui voient le rap comme une marchandise, dis-leur pour foncer j'attends pas leur signal, je veux pas signer, y'a pas de pseudo gangsta chez moi, j'ai pas de pote chez les résignés, dis-leur je fermerai pas ma gueule même dans l'adversité, peu importe ce qui m'attend, ce qui m'accueille, je marcherai vers ma vérité, dis-leur que je renoncerai pas non depuis le temps que je suis dans l'ombre, d'ailleurs je veux pas y bouger, mais si la lumière tourne c'est de la bombe, dis-leur que je resterai fidèle à mes rêves de maman, mes convictions et à tous ceux qui ne supportent plus cette vie à Babylone, dis-leur que je me plierai pas aux exigences du marché ou autre et je crierai ce que je pense sur nos chers bâtards de dirigeants, dis-leur que c'est de la vérité que je compte mettre sur le tapis, en gros dis-leur mon rap est une menace pour les règles établies, le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que j'oublie pas pourquoi je cause, ni pour qui, encore moins contre qui, dis-leur qu'on a voulu que je recule, que c'est de bon cœur que je contredis, dis-leur que je raconte le dilemme de mon époque et de ce qu'on vit ici empoisonné, cherche encore l'antidote, dis-leur que je me fous de leur tube et que je veux du rap, que leur bise me gonfle comme les pseudo-intellectuels du rap, plein d'analyses et de critères à la con, et dis-leur y'a pas de règles dans l'art alors qu'ils gardent pour eux leur jugement à la con, vas-y dis-leur que je rappe pour les miens et pour ceux qui me comprennent, les vieux, les petits, les sages, les fous, tout le monde, et que je rappe sans contrainte, en gros dis-leur que mon rap est tout d'abord fédérateur et que si on me crie stop, j'appuierai sur l'accélérateur, dis-leur que je fais comme je sens, donc je me sens défoncé dans l'art, que si on défend ce que je pense, car je suis prête à foncer dans l'art, dis-leur que dans la bataille je suis déjà lancé dans, et que si au mic je fous le bordel c'est à cause de mes antécédents, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que je me fous de leur contrat, que je reste libre comme l'air, que leur fourberie peuvent se la mettre dans le babou, dans la bouche des commères, car c'est la même, dis-leur que si je la ramène pas pour être attachée, c'est pas de signature, c'est une parole, et qu'au diable jamais je la lâcherai, dis-leur qu'aujourd'hui seul la mort peut m'arrêter, que j'en ai trop vu, j'ai confiance dans là-haut, même si mon mal-être est toujours de plus en plus encombrant, mais je le vis dans rap sur ma route, trop de pertes et d'embûches, je comprends donc ce gros vide en rap, et merde, dis-leur que je reste fidèle à mes engagements, que c'est sûrement pas pour la gloire que j'ai quitté mon état-major, non, dis-leur que ceux qui ne savent pas la ferme, ceux qui croient qu'on était trois alors qu'on était 13 dans l'affaire, et dis-leur que j'oublierai jamais d'où je viens, tous mes frères et sœurs de foyer, même si aujourd'hui ma vie bouge bien, dis-leur à tous qui peuvent même le dire, à tous les parlements, que mon RAP est synonyme de bonbon par retard, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur que le missile est lancé, dis-leur que c'est trop tard pour le désamorcer, même si sa présence n'est pas annoncée, dis-leur que mon rap connaît sa cible, sa trajectoire fédérateur, donc pas là pour que les gens restent assis, dis-leur. Venez voir la folie que ce monde engendre. Venez voir la folie que ce monde engendre. La nocturne. Yeah. Yeah. Tu veux de l'ego. Tu veux. Tu veux de l'ego. Trip. Vas-y, trip, my nigga. Ego. Trip. Du renoi aux grosses lèvres. 31 mars, j'augmente le level. Disons que le soleil se lève. Je suis venu récupérer le trône. Dites-leur que le fauve est de retour dans la faune. N'ayez pas peur mes petits. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai beaucoup d'appétit. Je fais plus du rap, je fais de la menuiserie. MC, je découpe, je freestyle avec une. Si, mon prochain album c'est faux. 5, jusqu'à ce qu'ils disent arrête, c'est trop. 5, je fais des boucheries comme Georges. T'auras mon rap au travers de la gorge. Depuis que je rappe dans l'urgence, on croise beaucoup plus de MCs aux urgences. De l'ego trip, je vais t'en donner. Oh, les talons noirs est venu pour éduquer les poneys. Oh, je suis un sauvage, je rappe depuis une réserve. Je suis une espèce rare, tu sais même pas ce que je vous réserve. Je suis productif comme la Chine. J'ai toujours la rage against the machine. Je suis une machine, mon album c'est un massacre. imagine, il fera passer le tien pour une arnaque ou au mieux pour une mixtape. Gros, imprègne-toi de ça. Regarde comment on fait maintenant. Retourne en studio, ils ont les larmes dans les yeux. Depuis que je rappe lacrymo, je fais des crémaux. Mike leur botte le cul sur leur créneau. Cruel est le mot d'ordre. Le rap, je vais le mordre, lui tendre une corde et le pendre. Je vais le tendre. Tu veux de l'ego trip? Vas-y, trip, t'es servi. Fais pas ce rap, t'es mon sahab. Ici, c'est la Serbie. Mon rap bascule, bien bonhomme et l'attitude. Oh. Moi, je viens du sud, le crime est dans mes aptitudes. Oh. Mon flow, ma plume ne cesse de prendre de l'amplitude. C'est un massacre lyrical, pas un match amical. Mon rap bascule, bien bonhomme et l'attitude. Oh. Moi, je viens du sud, le crime est dans mes aptitudes. Oh. Mon flow, ma plume ne cesse de prendre de l'amplitude. C'est un massacre lyrical, pas un match amical. If I was born in New York, I'd be a legend. Maybe after B.I.G. the second. Mafia Africa would have been the Wu-Tang soldiers. Believe us like Deep Set, we born glorious warriors. Tu peux rapper dans n'importe quelle langue. Je veux du 2001 sous et ce n'était pas n'importe quel gang. Alors MC, je t'en prie, reste poli. Les seuls millions que t'as pas payé, tu les as pris au monopoly. Oh. Ça fait mal, très très mal. Oh. Hey, pourquoi tu rappes moins bien que Fatal? Oh, ta carrière, c'est un fantasme ou une blague? Hey, la couronne sur ta tête n'est qu'une bague. Fermez les portières quand je fais du rap. Jacking comme Rimkas, bing bing. Vite vite, rangez vos bling bling. J'ai un jeu et vos carrières. Glace et le décor, je suis froid. Comme si la banlieue se trouvait au pôle nord. Cet album, c'est un putsch. Pousse-toi, ferme ta bouche. Wow. Comme au hardcore, se lève, tout le monde se couche. Yeah. Vas-y, trip sur mon ego. Y'a des aigles dans le désert, alors pisse mon négro. Mon rap bascule, bien bonhomme et l'attitude. Oh. Moi je viens du sud, le crime est dans mes aptitudes. Oh. Mon flow, ma plume ne cesse de prendre de l'amplitude. C'est un massacre lyrical, pas un match amical. Mon rap bascule, bien bonhomme et l'attitude. Oh. Moi je viens du sud, le crime est dans mes aptitudes. Oh. Mon flow, ma plume ne cesse de prendre de l'amplitude. C'est un massacre lyrical, pas un match amical. La planète rap nocturne sur Skyrock. Nocturne. Ouais, avec Sies pour ATK. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu deviens, gars. Ça fait un bail qu'on s'est pas croisé. Un pote de longue date. Qu'est-ce que tu deviens? Je croise un de mes anciens potes, alors que le temps me presse. Un vieux, un ancien, un de ceux avec qui j'avais fait la promesse. Que jamais on séparait, malgré le temps qui passe. Mais l'amitié s'affaisse, et face au temps s'efface. Et maintenant face à face, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu deviens. Rien. Toujours le même mot qui revient, en bref rien. Ouais. Toujours les mêmes phrases dans la bouche de ceux que je croise, ça devient lassant. Toujours le même, toujours moi-même ou toujours présent. Quand on me dit que la vie est longue, c'est dur à croire car elle nous largue. Tant d'ambition, rêve inachevé, c'est pas là que je veux que ma vie s'achève. Tant de contraintes, tant de mois qui passent, des pertes de potes, tout ça, ça. On vit au jour le jour, avec nos contres et puis nos bourgs. Euphorie éphémère, rien de fameux, marre de voir les mêmes gosses affamés. Si je cours après la fama, c'est qu'il faut de la maille pour la famille. Marre de voir ma mère se tuer dans des tafs beaucoup trop indignes. À la NPE, une croix, elle signe. Les gens rient et son cœur, elle saigne. Témoin de tant de scènes pathétiques dans ma vie, ça sent dans ma voix. Je veux grimper près du bon Dieu sans qu'il fasse trop secouer l'arbre. Atterrir sous le parquet ou le marbre, je veux pas dans les billets, je veux mort. Voilà ce que m'a dit un pote de longue date, submergé par de grosses dettes. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais sur sa réussite, j'ai trop doute. Et toujours sans réponse, le temps combien a passé, trop d'amis perdus. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse, le temps combien a passé, trop d'amis perdus. Nos pensées. Allô? Allô, bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur Alfred, s'il vous plaît? Oh oui, c'est moi. Yo Alfred? Ouais. C'était ce match de face? Non. Ouais, si, si, ça sûr. Ah, j'ai vu dans les journaux là, t'as bien réussi toi, vas-y, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Depuis le temps séparé tous de toi, ma direction, j'ai pris les îles au sud du Canaris. Des vices autour de moi, j'en crie. Enfin mérité, 10 ans de galère de gré pour plaire à tous. J'ai cru que jamais j'aurais pas la slamaille ou me font douce. Tranquille pour toi, content de voir que tu vis bien. Je roule au Merco, le jour, le soir, la Porsche pour un gala. Galère pour moi, fini le temps, 6 heures dans le froid au grand bal du monde. J'ai honte, on rit quand même quand je pense à nos rondes. Là tu te rappelles encore de ça? Qu'est-ce que tu crois, j'ai fait le bon, ranger les douilles pour baiser. Faire du blé au sachet blanc pour moi, fini de tomber. Une vie de pacha, pacha, maintenant ma vie on est cachère. Chaque saut mort, parole reprise, mais vaut une vente aux enchères. Ça se passe bien alors, la vie est pas chère. Et toi raconte les meufs, la maille toujours aussi bien servie. Jamais en peine de go, je me souviens, chouchou d'Héraclie. Toujours dans le ghetto, foncé au shit, j'ai dit tu es armé. Je parle des métaux au shit, pas la peine de t'en l'armer. Dis-moi la vie de souris ainsi, je croyais que le partage était. Quitte pour tous à ce que j'entends du tous là où t'es tombé. Tu roules en Merco, ce qu'on roule ici, nous c'est le bedo. Trop d'embrouilles bêtes, les frères se calment même pour un mégot. Arrête, je flippe, pourquoi c'est pas pourtant la musique t'avais donné ce qu'il fallait, mal célébrité, tout ce que t'en bavais. Sache qu'à chaque heure qui passe, c'est un de mes potes qui saute mes neurones gris. Combat éveillé, voyant si ma chaîne de vie part en gris, en vrac. Ces putains de vie s'accroche à moi comme un junkie au crack. Je crois maintenant ta vie face à moi, rien de plus minable. Une cave remplie à bloc, me moque de tous ces faux marchands de sable. Vive feu, autant vive bien, du shit dans une main, le glock dans l'autre ça te choque. A chaque crime que je lâche, anecdote d'une sale époque. D'une sale époque. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse. Combien? Trop d'amis perdus. Qu'est-ce que tu deviens? Cette même question revient. Et toujours sans réponse. Combien? Trop d'amis perdus. Ah là là, Fréco, c'est toi? Ouais, pourquoi? Tu te rappelles plus de moi? Non. Karine! Ah ouais, alors? Qu'est-ce que tu deviens? Bon, comme d'hab, tu sais, tout va. C'est comme ça, quoi. De toute façon, t'as mon numéro. Tu me lâches le tien, oh, on s'appelle. Ouais. Viens, on va pêcher un whisky là, lâche la go. Mec, mec, où est le coq? Hack, hola, bip, bip, mon bip, Motorola. Bip, allô, mes mères, mère, elle me prend pour un con. On s'est donné nos numbers, je lui ai dit viens chez moi, elle m'a dit non. Je veux que tu sois ma petite copine, ma copinette. Et que je ne me prenne pas la tête pour des clopinettes, sinon je te casse en deux. Eh, hey, Fréco, calme-toi, c'est une fameuse. Et alors, on dit de moi, je suis un psychopathe. J'ai failli vachera une nana à coups de batte. Alors aime-moi, ou sinon, non. Quand même pas. Et chaque jour avec tes potes. Salut. Quoi de neuf? Comme d'hab, la routine. Les mêmes pas, la même bouffe. Même hamburger, même siège kebab. Sauf quand tu veux être mignon. Les jours de rendez-vous. Salade, tomate. Ouais, mais aujourd'hui sans oignon. Sinon, sur le banc, c'est le même dégoût. Et quand on te demande, qu'est-ce que tu deviens? Tu réponds. Tu sais, moi, le malchanceux, le poisson, c'est moi. Mais ça va changer. Ouais, y'a trois ans sur ce même banc, c'était déjà le même discours. Je dis pas que t'as pas manqué de bol, mais le temps a passé. Des gars de ta classe ont des tafs stables. Un autre bientôt, papa, ils sont peut-être pas ministres non plus. Mais dans les tafs de stade, moi plus. Juste pour parler ainsi. Juste un pote qui passera dans 6 mois devant ce banc et qui aimerait bien ne plus t'y voir assis. Il s'agit de ceux et de celles qui marchaient sur les mêmes chemins que toi. Pote d'un jour, passé trop vite. Pote qui ne te côtoie plus. A tes côtés, ils n'y sont plus quittés. Un jour où ils t'ont dit bon bah demain, plus rien. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Are you ready? Music non-stop. Number one radio station.